La série que vous allez écouter a été créée pour fêter les 90 ans de la brique Lego. À la recherche. À la recherche de la grande petite. Épisode 2. Le village caché. Désigné par la plus grande voyante du monde comme le duo légendaire capable de retrouver les trois parties de la grande notice, Mila et Gabriel se sont rendus dans la forêt des Myriades. Ils y ont retrouvé Gustave, un drôle de gentil ours qui sait où se trouve l'un des morceaux. Mais d'après lui, l'atteindre ne sera pas simple du tout. La nuit enveloppe la forêt des Myriades. Devant Gabriel et Mila, Gustave trace la route. Sans lui, Mila en est persuadée, il serait encore en train de tourner en rond. Vous avez grandi ici, monsieur Gustave ? En effet, j'ai grandi ici. Et tu peux me tutoyer. Et tu connais cette forêt par cœur ? Bien sûr que non. Cette forêt bouge en permanence. Elle change au gré du vent. Bah alors, comment tu sais où on va ? Il me suffit d'écouter les oiseaux, d'observer la mousse sur les troncs et de sentir les parfums. Moi, tout ce que je sens, c'est qu'une douche me ferait pas de mal. Tout en marchant, Gustave cueille une fleur et la fourre dans la poche de son manteau. Tu fais une collection de fleurs ? Oh non ! Mais grâce à toutes ces plantes, je peux fabriquer 1000 choses. Des potions de guérison, des breuvages contre les pieds qui sentent le fromage et des mixtures qui vous font doubler de carrure. Gabriel pense aux siens de pied. Ils ne doivent pas sentir la violette. C'est alors que, remontant le cours d'une rivière, il découvre une grande mare dans laquelle déferle une cascade. On va se baigner! Ouais, c'est très joli, mais on n'est pas là pour piquer une tête. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Avec un grand sourire, Gustave disparaît derrière l'écran d'eau. Mila et Gabriel se regardent, les yeux ronds comme des soucoupes. Main dans la main, le frère et la sœur franchissent la cascade. Deux pas plus tard, ils rouvrent les yeux. Même pas trempés, ils accèdent à une clairière où déambulent des dizaines d'ours. En levant la tête, ils voient des cabanes perchées dans les arbres alentour. Il y en a des bariolées, des biscornues, des toutes petites et des suspendues. Comme à Legoville, toutes ces constructions sont brinque-ballantes. Dans cette clairière, le plus impressionnant, c'est le châtaignier gigantesque qui se trouve au fond. Si imposant qu'en faire le tour prendrait au moins 15 minutes. Waouh ! C'est trop, trop beau ici ! C'est vrai qu'on y est bien. Bon, elle se trouve où, cette grande notice ? La patte de Gustave, posée sur sa bouche, Gabriel marmonne des paroles incompréhensibles. Chut, malheureux ! Ne parle pas de ça à la légère ! Qu'est-ce que j'ai entendu ? Un ours au poil grisonnant s'approche d'eux d'un air grincheux. Rien du tout, chef. Mon invité me demandait si nous avions une grande police. Pas du tout. Je voulais voir la grande notice. Dans ma cabane, tout de suite. La cabane du chef surplombe la place du village. Dans la pièce principale, le vieil ours fait les 100 pas. Écoute-moi, Gustave. J'en ai ras le pelage de tes histoires. À force de nous bassiner avec ton histoire de notice, tu nous portes la poisse. C'est à cause de ce fichu bout de papier que l'arbre totem est malade. Vous parlez du châtaignier géant ? Oui. C'est à son sommet qu'une partie de la notice s'est retrouvée. Et maintenant, il est dans un si mauvais état qu'on ne peut plus y grimper pour l'enlever. On peut vous aider, nous. Ah oui. Eh bien, si vous avez une idée, allez-y. Mais ne venez pas pleurer s'il vous arrive des bricoles. En attendant, décapissez. Dépités, les trois compagnons redescendent par l'échelle instable, accrochée à la maison. Le chef se trompe. C'est à cause d'un champignon toxique si l'arbre va mal. Et un grand chaman comme toi n'a pas de quoi le guérir ? Si. Mais avec toutes les constructions qui se cassent la figure, impossible d'appliquer mon remède jusqu'en haut. On va s'en occuper. Gabi, quelque chose me dit que t'as un truc en tête. De quoi parlez-vous ? Avec ma sœur, on peut créer des tas de trucs méga solides. Si seulement. Et mon grappe-main alors ? Il m'obéit au doigt et à l'œil. Nom d'une boule de poils ! Vraiment ? Vrai de vrai. Dès demain, on va vous aider. Mais en attendant... C'est l'heure de se doucher ! Le lendemain, encore mal réveillé, le chef du village ouvre ses volets. Il se frotte les yeux. Une fois, deux fois, trois fois, mais n'en revient toujours pas de ce qu'il voit. Ours et Oursonne marchent vers l'arbre totem, portant des briques de toutes les formes et de toutes les couleurs. À son pied, les invités de Gustave les encastrent, les assemblent et les emboîtent. Le long du tronc se trouve le début d'un escalier en colimaçon. Le chef ne prend pas la peine d'enlever son peignoir et, furax, il se précipite vers Gustave. Arrêtez ça ! Vous savez bien que plus rien ne tient la route dans ce bas monde. Le premier qui grimpe là-dessus va se tordre une patte. Chef, je vous promets que Mila et Gabriel sont des petits génies de la construction. Très bien. Prouvez-le. D'un geste expert, Mila envoie son grappe-main cueillir une fleur qu'elle glisse sur l'oreille du doyen. Gabriel s'amuse à faire des loopings avec Loupiote, son mini-drone, sous les acclamations de la foule. Le chef déguerpit en marmonnant dans ses poils, sa pâquerette toujours sur la tête. Grâce à toutes les pièces qu'on leur apporte, Mila et Gabriel font des merveilles. En fin d'après-midi, devant l'engouement de tout son village, le chef vient même leur donner un coup de patte pour achever l'escalier. Il ne reste qu'une chose à faire, monter. Seulement, après un millénaire à voir la moindre invention s'effondrer, dégringoler ou culbuter, personne n'ose, excepté Mila, très vite rejointe par Gabriel et Gustave, portant en guise de sac à dos un énorme pot rempli de baume guérisseur. Au fur et à mesure de leur ascension, l'ours applique le soin sur le tronc. Le trio grimpe encore et encore, et tout essoufflé, arrive en haut de leur construction. Le regard plein d'émotion, Gustave tartine la dernière zone malade de l'arbre totem. C'est alors que l'escalier se met à trembler, puis à tanguer. Je pensais que tout ce que vous construisiez tenait la route. Normalement. Parce que là, si on tombe de cette hauteur, on va s'aplatir comme des fruits pourris. Accrochez-vous, hein, je vais nous... Mila n'a pas le temps de finir sa phrase. La marche sur laquelle se trouve Gabriel cède, précipitant le garçon dans le vide. Sa sœur lance son grappe-main et l'attrape par le pied. Gustave veut l'aider, mais une secousse le fait basculer à son tour. De justesse, Gabriel la grippe par la patte. Vous allez tomber. Laissez-moi. Hors de question. Vous n'êtes pas un fruit pourri. Le visage tout rouge et les yeux fermés par l'effort, Mila tente de les retenir. Mais ils sont trop lourds. Ses pieds dérapent. Elle est prête à chuter. Soudain, le poids n'est plus là. La tristesse l'envahit. Gustave et Gabriel ont lâché. C'est alors que l'incroyable se produit. Portés par les branches de l'arbre totem, Gustave et Gabriel la rejoignent tout sourire. Mila se laisse entraîner avec eux jusqu'à la cime. Une fois arrivée, un rameau tapote l'épaule de Gustave. Une fleur blanche éclot et l'ours l'attrape avec la plus grande délicatesse. De leur côté, Mila et Gabriel restent bouche bée devant l'immense entrelac de branches qu'ils découvrent en haut du tronc. C'est une cabane ? Ah non, ça, c'est un nid. Hein ? Mais l'oiseau qui a construit ça doit être aussi gros qu'un veau ! Oula, Brigand est bien plus grand que ça. Brigand ? C'est un toucan géant que j'ai recueilli quand il était encore Rikiki. Si je l'ai baptisé ainsi, c'est parce qu'il chaparde tout ce qu'il trouve. Un jour, je l'ai vu revenir dans son nid avec un morceau de la grande notice. Mais l'arbre était déjà trop faible pour que je puisse y grimper. Ça veut dire que pour attraper la notice, on va devoir entrer là-dedans? Bien sûr, mais un conseil, soyez discret. Brigand n'aime pas trop qu'on le dérange. Sur la pointe des pieds, les trois amis pénètrent dans le repère de l'oiseau. À perte de vue se trouvent des trésors et des montagnes d'or. Au beau milieu de ces objets précieux, Gabriel aperçoit le parchemin. Déconcentré, il pose le pied sur une brindille qui craque. Tout le monde se fige, rien ne se passe. Jusqu'à ce que Brigand surgisse dans le ciel, poussant un cri terrifiant. Aussitôt, le volatile plonge sur eux. Gustave ne bronche pas et brandit la fleur offerte par l'arbre totem. En la voyant, Brigand agite ses ailes colossales et se pose en faisant trembler les branches. Il observe la fleur, s'approche et la gobe d'un coup. Oh là là là là là, mais nous aussi, il va nous gober tout cru! Brigand effleure le front de Gustave de son énorme bec coloré. Il pousse alors un cri joyeux et s'envole. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fleur que l'arbre totem m'a offerte est la première depuis bien longtemps. Lorsque Brigand l'a vue, il a compris que son arbre était guéri. Regardez, je crois que la notice vous attend. Émerveillé, Gabriel et Mila découvrent le parchemin jauni par le temps. Une formule incomplète y est inscrite. Avec l'aide des branches, le trio regagne le plancher des ours. Tout le village les porte en triomphe. Bravo, vous avez eu le courage de 100 ours. Aujourd'hui est un jour de fête, mais je dois vous prévenir. Lorsque vous étiez là-haut, quelqu'un, déguisé comme nous, s'est approché de votre escalier. Et pendant que personne ne regardait, il a enlevé la brique principale, celle qui soutenait tout le reste. C'est peut-être un protecteur de la grande notice qui voulait nous empêcher de l'approcher. Ouais, je pense plutôt qu'on doit pas être les seuls à vouloir mettre le grappe-main dessus. Je vous conseille de vous rendre sur l'île de Maladon. Une rumeur raconte que la seconde partie de la notice pourrait s'y trouver. Les enfants, me permettez-vous de vous accompagner? Avec plaisir, Gustave. Qui de mieux qu'un ours pour veiller sur notre trésor? Après des adieux aux villageois, le trio se met en route pour continuer l'aventure. Pourquoi l'escalier géant a-t-il été saboté? Qui est le ou la responsable? L'île de Maladon abrite-t-elle vraiment la seconde partie de la grande notice? Vous le saurez jeudi prochain. L'épisode vous a plu? Vous l'avez bien écouté? Eh bien, j'ai une question pour vous. Que construisent nos héros pour atteindre le sommet de l'arbre? Un escalier? Un ascenseur? Une montgolfière? Rendez-vous sur le compte Instagram des Petites Histoires pour me donner votre réponse et peut-être gagner des cadeaux Lego. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.